matinale de 18h, l'émission décalée de Fadjet. Bonjour matinalien, matinalienne de la matinale de 18h, j'espère que vous êtes réveillés ce jeudi à 18h parce que il pleut et donc ça va être le coup de se réveiller. Ça va, Jocelyn ? Bah écoute, ça va super, mais moi j'ai regardé dehors, normalement il pleut vite, mais il pleut pas drache. Alors cette émission est enregistrée du matin même, donc là il fait très beau, oui. Mais on a quand même passé des jours... Et des nuits de pluie ces temps-ci, et ça c'est va vrai. Continuer. Mais il pleut, souffle. Hein. Il pleut actuellement. Hein. Voilà. Je vous le dis, il pleut actuellement. Pour moi, il pleut pas, mais après, chacun voit midi à sa porte. Je vous parle en direct de la Bretagne et il pleut. Ah oui, peut-être qu'en Bretagne, il pleut. Non, mais je pense qu'il va pleuvoir à 18h. Moi, je pense aussi, mais peut-être D'accord. pas. On est en train de parler d'un truc que les auditeurs savent mieux que nous. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Oui. Dites-le sur Spotify. Il pleut pas. Ah, est-ce qu'on est cohérent ? Est-ce que tu es vraiment un très bon improvisateur du différé ? C'est vrai. Je suis un bon voyant. Un bon, non, un bon voyeur. un bon lecteur de sites de météo, surtout. C'est vrai. C'est vrai. Parce que exactement. Toi, tu vois qu'à 18h, il pleuvait. Ouais. Ça va, James ? Ça va, tranquillement. Ouais. Ton actualité, c'est quoi ? Ben, qu'est-ce que c'est mon actualité ? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? J'ai créé un livre, si vous voulez savoir. Sur la météo. Créé un livre. J'en suis au chapitre 7. Donc, pour de vrai ? Ouais. Ça parle de quoi ? C'est un. En fait, c'est une. Comment on dit ? Un livre d'héroïque fantasy. Ouais. Comment on dit ? Médiéval fantasy ? Non, c'est toi qui l'écris, donc c'est toi qui dis. Comment on dit le livre que je fais déjà ? Si vous dites autre chose, je ferai autre chose. Hein, moi, j'ai pas de... Non, mais voilà, petit livre. Non, mais je sais toujours pas de quoi ça parle. Si, j'ai dit un médiéval fantasy humoristique. Donc c'est un peu. En fait, je me suis inspiré. Pas vraiment une quête. C'est un peu un mode Game of Thrones, mais où on se marre un peu, quoi. Ah oui. C'est quoi le pitch de Game of Thrones ? Parce que je ne connais pas. C'est en gros des chevaliers, des dragons, quoi. Voilà. Ouais, c'est un très beau speech. Peu, voilà, je peux dire. Mais qui disent familles, qui disent des blagues, c'est ça ? Ouais, voilà, j'essaye de mêler un peu. J'essaye, bon, j'ai jamais écrit quoi que ce soit, c'est mon premier jet. Mais j'essaye de mélanger à la fois d'avoir une intrigue passionnante, ouais, tout en ayant des moments de légèreté. Et je me rends compte à quel point c'est difficile de faire les deux. Ouais. Puisqu'en fait, quand on veut être drôle, on a tendance à rendre les enjeux moins forts. Et voilà. Mais l'humour lu et l'humour dit est différent, non ? Ouais, mais moi je suis meilleur en humour écrit. Ah oui ? Mmh. Ah si, ok. Mmh. Ouais, mais il faut voir mes SMS, hein, ils sont excellemment drôles. Ça doit être très très drôle. Si la radio avait lieu par écrit, oui. Ouais. Bah déjà ça ne s'appellerait pas de la radio, ça serait un journal, voilà. Bien dit. la presse écrite, ouais. Voilà, ouais. Et je peux vous dire que je serais chez Fadjet écrite. Ah ouais, ouais, faudrait qu'on invente un journal. C'est plus qu'un journal. Journal Fadjet, ouais. Ah ouais. Ça, c'était bien au 19e siècle, quoi. La radio, c'est 20e et 21e. Et au 21e, c'est les cocktails. C'est les podcasts ou les cocktails, ouais. C'est les cocktails. Quelle belle transition pour parler de Jocelyn. Oui, quoi. Surtout que j'ai passé une sacrée soirée chez toi hier soir. C'est vrai qu'hier soir, tu as passé une sacrée soirée. Ouais, non, mais c'était le moment où ils essayaient des cocktails. Oui. Et donc, ils m'ont fait partager leurs tests. C'est ça. Et il y avait eu. J'ai pas super bien dormi. En fait, le problème, c'est qu'on a pas mal de deadlines à respecter. Donc, il faut sortir des cocktails assez vite. Et donc, j'ai écrit des recettes sur le papier et il fallait les tester. Donc, on a testé quelques recettes. Voilà. Et Tristan était au comptoir. Bon. Manque de peau, j'ai envie de te dire. Tout se passait bien. Au début, joyeux. Un gars super sympathique. Et puis après, je dis ah, tu veux goûter ça ? Voilà. Tu veux goûter ça ? Ah, bah moi, je préfère celui-là. Et ça y va. Et au bout d'un moment, je ne voyais plus Tristan tellement il y avait le verre. C'est ça, il y avait 7 verres devant moi. Sans voir double. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, ils étaient vides, ces 7 verres-là. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Oui. Bien évidemment, il faut pas boire d'alcool. Consommer avec modération. Voilà. Mais j'ai bu pas mal pendant la nuit. Alors de l'eau, hein, ce coup-ci, parce que... En fait, le problème, c'est les mélanges, quand même. Mélange, moi... Peut-être, Et d'un point de vue gustatif, tu crois pas qu'il y a plus les verres avancent et plus son avis... moins son avis compte, en fait, quelque part. Mais je pense qu'il s'en foutait complètement. Ouais, avis, non, en fait, moi, je buvais les restes. Ah, ouais, d'accord, okay. C'est un peu ça. C'est que moi, je le goûtais, je disais « ça, c'est bon » ou « ça, c'est pas bon ». Tu recraches, toi, du coup ? Je goûte une limpée. Sur des cocktails, non. Je recrache pas, mais en règle générale, si, je recrache. Alors, qu'est-ce qu'une limpée ? C'est une lampée, mais avec une faute de mots. D'accord, c'est quoi une lampée ? C'est une petite gorgée. Parce que je te vois avec une paille. Hein. Soit la paille. Mais là, ceux-là, je les avais goûtés à la boca, comme on dit. Ah, la boca. Pour moi, une lampée, c'est comme les chats, ils boivent, tu sais, avec la langue. C'est une lappe. Lappée, mais oui. Et il faudrait qu'on fasse une chronique sur le lampe. Le cocktailier lampe. Voilà, ouais. C'est ça la différence. Après, limpé, je pense que ça n'existe pas. Je pense que c'est lampé que je voulais dire, mais je suis même pas sûr que ça existe. Limpé, c'est un terme de poker. C'est à la danse, limbo. Qui consiste à quoi? À goûter un cocktail? À suivre la grosse blinde. À suivre la grosse blinde. Tu limpes. Limp en anglais veut dire boiter, enfin marcher avec difficulté. Quoi. Et alors, qui est la grosse blinde? Celle qu'on appelle la grosse blinde. Ah, d'accord, oui, mais ça, c'est dans les règles du poker. Je vais pas sur les règles du poker, okay. Malheureusement. Ah, pas il le faudrait temps. Que tu nous fasses un petit béaba quand même du poker. C'est la chronique poker. Je pense que ça. Figure-toi que ça intéresse très peu de monde. Oui, mais comme tu as fait un livre qui reprend Game of Thrones, mais en mode humour, eh ben, tu peux nous faire. C'est vrai. Du cocktail, j'allais dire. Non, mais j'ai encore des effluves, tu sais. Ah ouais. Le cerveau, il est bloqué. Petite anecdote, d'ailleurs, puisqu'on parle de poker et d'humour. J'avais commencé à écrire il y a un site sur Internet à l'époque, dans les années 2000-2010. Ouais, il s'appelait La Désencyclopédie. C'était une parodie de Wikipédia. Et j'avais écrit des articles dans ce truc, des articles humoristiques. Donc, c'est une parodie. Donc, c'est comme si c'était Wikipédia, sauf qu'on rigole. Et mon tout premier article, c'était un article sur Patrick Bruel, qui doit encore être disponible. Mais après, comme c'est un peu participatif, il y a des gens qui ont rajouté pas drôles par-dessus. Mais la base... Tu te dédouanes. C'est des trucs pas drôles, c'est pas moi, les gars. Exactement. Okay, c'est des gens, on s'appelle les internautes. C'était exactement le but. Si vous riez, c'est moi. Et ça s'appelle comment, si alors, ce site-là? La Désencyclopédie. Je pense que ça existe encore. J'avais buzzé, ouais, je me rappelle, ça existait. Et avec les facts sur Chuck Norris. Ouais. Ah oui, alors ça, ouais, il y en a une pléiade, effectivement. Tout ce dont est capable Chuck Norris, effectivement. Juste le temps que tu vérifies, Jocelyn, où ouais, ça existe. Désencyclopédie.org, ça existe. Ça mais existe le encore. Site est inaccessible. Ah, ok. Bah, alors tout le monde vérifie là autour de la table. Que ça vérifie. Je sais pas si. Ah oui, Caroline n'est pas là parce qu'elle a eu un petit souci. Mais peut-être qu'elle aussi, elle est en train de regarder, savoir si la désencyclopédie existe bien. Si ça existe, ça marche toujours. Si ça existe, ça marche toujours. Moi, je capte ça. Ah bon, bah voilà. Donc, la désencyclopédie.org. .org. C'est comme Wikipédia, mais sans le tri qui est fait. C'est-à-dire que n'importe qui, je suppose, de nos jours peut arriver et faire un article pas d'accord. drôle. Voilà. Ok, très bien. Merci pour cette entrée. On va passer tout de suite à l'éphéméride. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. L'éphéméride de 18h sur Fadjet. Alors, nous sommes un 23 octobre. Oui, nous sommes. Nous sommes pendant les vacances scolaires. Oui, également. Qu'est-ce qui s'est-tu passé un 23 octobre? Eh bien, il ne s'est pas passé énormément de choses, mais vous savez, moi, j'ai l'âme de chercher les petits détails, les petites choses qui se sont passées Tu vas vraiment chercher, en plus, hein, toi, les petits trucs. Mais voilà, j'essaie de vous instruire d'abord, et puis aussi d'instruire les auditeurs, bien sûr. En 1295, il y a eu une signature d'un traité dit Old Alliance entre l'Écosse et la France dans une logique d'alliance contre qui? L'Angleterre. Ok. Les catholiques contre les protestants. Mais on a affaire à un... Il y a eu 3-0. 3-0. Oui, c'est une sale C'est ce qui a valu un problème à... je ne sais plus. Marie Stuart, justement, qui était la patronne de l'Écosse. Et elle a voulu se réfugier chez sa... cousine, je crois, la reine d'Angleterre, sauf que y en a une qui est protestante et l'une catholique, et donc viens, et puis elle l'a enfermée. Donc elle a dû y aller en avion, et c'est ainsi qu'est né le concept de Stuart. Oh ah ouais. Parce que voilà. Ouais, et il y avait pas un petite souris sur Little, ok. On a appelé Stuart Little. On va rester sur ce qui s'est passé le 23 octobre. Achetez mon livre. Il est fantaisie et drôle. En 525, est-ce que vous connaissez un philosophe romain? Déjà, est-ce que vous en connaissez un? J'en connais 8. Okay. 8 okay. Qui commencerait par la lettre B. B. Oui, Bordigala. Et non. Bernard-Henri Lévy. C'est Boès. Boès est mort en 525. Je ne connaissais pas Boès, mais je me suis dit que... Ouais, Boès. Boeuf. Ah, B-O. Ouais, je pensais qu'il était toujours vivant, moi. Si, si, bah, en fait, il a refait une apparition, mais c'était pas lui. Ah, d'accord. Donc ouais, malheureusement, il est mort, hélas. Mais des gens sont nés également, un 23 octobre, et ça, vous en doutiez peut-être pas. Par exemple, Ange Jacques Gabriel. Est-ce que vous savez qui est Ange Jacques Gabriel? Il est français, il est né en 1698. D'ailleurs, s'il nous écoute, on le salue. Alors attends, on le connaît parce qu'il est connu sous un autre nom. Ange Jacques Gabriel. En fait, dans son prénom qui est composé de trois prénoms, oui. Où c'est son nom de famille. Le Gabriel doit être son nom. Ange Jacques Gabriel, il a un. Ah, je sais pas, son prénom, nom, donne son métier, je trouve. Ange Jacques Gabriel, son métier. Donc ça, c'était un pape. Il a rien à voir avec l'église. Ah d'accord. Ah, d'accord. Jacques, c'est un Ange artiste. Ange Jacques Gabriel. Il est peintre. Il est pas peintre, mais... Ça n'a rien à voir avec l'Ange Gabriel. Est-ce qu'il était photographe? Il était photographe? Je vois que vous êtes dans le truc, mais c'est pas ça encore. Ouais. Boulanger-pâtissier. Est-ce que ça n'a rien à voir avec... C'était un photographe du 18e? C'était pas un photographe, il est né en 1698. Est-ce que c'est pas Parmentier qui a inventé le hachis parmentier, mais qui s'appelle Ange Jacques Gabriel? Ange Jacques Alors, c'est Parmentier qui a inventé le hachis parmentier, mais il ne s'appelait pas Jean-Jacques Gabriel. Ni Jean-Jacques, ni Ange-Jacques d'ailleurs. D'accord. Parce que c'était un écrivain? Non, c'était un architecte. Ah oui, architecte, c'est Le Corbusier. Bah, oui. C'est un Corbusier. Sûrement. Mais vous trouvez pas que Ange-Jacques Gabriel, ça fait un peu architecte? Attends, il n'y a pas de pseudo? Ça fait pas un HLM? C'est lui qui a inventé le HLM. Ange-Lac. Non, il n'y a pas de pseudo. Pourquoi je voudrais qu'il y ait un pseudo en 1698? D'accord, ok. J'étais complètement à côté de la plaque. Bah, donne l'info parce que je pense pas qu'on va le trouver. Bah, c'est, il était architecte. C'est juste ça. Il était juste ça. Un métier quand même, architecte. Ah, parce qu'en fait, d'accord. C'est le métier qu'on cherchait. Le prénom doit te dire, waouh, c'est un architecte. En Jacques Gabriel, tu te dis, bon, bah, le mec, il est quoi? Il est architecte ou quoi? Et là, je dis, bah oui, mais oui, c'est ça. Ok. Mais t'as pas trouvé. T'as dit pâtissier hachis parmentier. C'est quoi? Enchaîne. Ouais. la naissance en 1749 de l'inventeur de l'apertisation. Est-ce que vous savez ce que c'est l'apertisation? Ça, c'est un truc de cocktail, ça. Eh ben, on n'est pas loin, mais ce n'est pas ça. C'est dans le bâtiment, alors. C'est dans la cuisine. Une méthode de conservation alimentaire. Et donc, c'est Nicolas Appert, inventeur français mais oui, de conservation alimentaire, de l'apertisation. Qui est ça donc avec un H à pair. Non, pas du tout. Attends, mais ça consiste en quoi la Je vais te le dire, si tu as 20 millisecondes, la pertisation, ça permet de chauffer à une certaine température afin de préserver les aliments. Tout simplement, oui, d'accord. Et oui. Le mec, il a donné son nom à ça quand il a fait une confiture, quoi. Bah, okay. Écoute, ça se trouve, confiture, c'était Jean-Jacques Confiture, qui avait, ou confit, je ne sais pas. C'est ça. Mais des gens sont morts également. De l'apertisation? Non. Okay. Du 23 octobre. Okay. Est-ce que vous savez qui était Théophile Gautier? Ah bah, un écrivain. Et voilà. Et voilà. Et toi, alors, Ange Jacques Gabriel, là, il n'y a pas. C'est quand même pas pareil. Boès, il n'y a rien. Mais par contre, Théophile Gautier, personne ne le connaît. Si. Sauf vous deux. Si. Ok, bah. Si. Encore une fois, tu insultes des tonnes d'auditeurs qui sont là, genre, mais attends, et Théophile Gautier, qui ont peut-être dans leur voiture le livre de Théophile Gautier juste mais à côté. Mais j'en doute pas. Mais Ange-Jacques Gabriel, tu regardes les rues, tu dis, mais oui, architecte. Sous réserve qu'on ait des tonnes d'auditeurs. C'est vrai. Voilà. À 81 kilos l'auditeur, ça serait déjà une ça tonne, ça serait déjà pas mal. C'est vrai. Ouais, quand même. Donc il est mort en effet. Vous avez déjà lu un petit peu ce qu'il avait fait? Pas du tout. J'ai jamais lu non plus. Ouais. Voilà. Bon. est-ce que vous savez qui est Charles Dufresne du Cange? Charles Dufresne du Cange. Il y a deux du. Est-ce qu'il est luxembourgeois? Il est français. Il est historien. Et il est mort, un 23 octobre. Charles Dufresne du Cange, mort. C'est quand même pas les plus grandes célébrités de l'histoire non, que tu nous sens. Non, mais je vous ai dit qu'il y avait rien. 23 octobre, il y avait rien. C'est des vacances, donc tu les gens meurent là, pas. En fait, c'est ça. C'est pas que je meuble, c'est que j'essaie de trouver voilà, des petites pépites, des petites choses qui sortent de l'ordinaire, des Boès, des Ange Gabriel. D'accord. Mais c'est la fête du jour aujourd'hui. La fête du jour, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Jean de Capistran, prêtre franciscain, connu pour ses prédications en Europe centrale. Aujourd'hui, c'est sa fête. Mais également... Ça devient n'importe quoi. Arrêter cette éphéméride. Attends, on finit par le dicton, bien sûr. Vas-y. Le dicton, il est aussi météorologique, d'accord. Il est agricole. Tu l'as pas. Il est là. Il est sur... Mais vous allez peut-être le deviner, c'est pour ça. Il est sur le mois d'octobre. Tellement le 23 octobre, c'est horrible. Hein. Okay. Il est sur le mois d'octobre et il parle de l'hiver. Est-ce que vous avez... Ah bah non. Eh bah essaye de trouver. Une phrase, un test. D'accord, c'est sur le pinard. Octobre en, hiver en. Octobre en Charente, hiver en parapente. Octobre en pluie, hiver fouillé. Ce qui est bien, c'est qu'il y en a un des deux qui a écouté que c'était météorologie qui est agricole, et l'autre il me parle de parapente. Ah d'accord, ok. Okay. Bah, y a du vent. Vas-y. Octogone. Octobre. Oui. En pluie, parce que j'arrive pas à trouver d'autres trucs dans la météo. T'en as plein d'autres, mais... D'accord, la tempête, octobre en tempête, hiver en charrette. D'accord. Voilà. Et bah c'est octobre en bruine, hiver en ruine. J'aurais jamais trouvé. Ok. Voilà. Et c'est sur ça, messieurs, dames, mes téléspectateurs, mes auditeurs préférés, que je termine cette éphéméride. Bravo. La matinale de 18h, l'émission en retard sur son temps. L'invité show business de 18h. Alors, on va rester dans la culture avec élargis ton vocabulaire. J'ai nommé cette chronique élargis. Tu pensais partir sur ta chronique, non, garde-la bien au chaud. Très bien. Tu te la gardes, ta chronique. Comme vous le savez, comme sur les deux dernières émissions que l'on a faites, je vous questionne sur des mots de la langue française. Oui. Et vous devez trouver à quoi... Enfin, c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et vous devez trouver la signification de ce mot-là. Alors là, j'étais un peu plus gentil parce qu'il y a des mots qui me parlent, moi. Ah. Ce qui ne veut pas dire que je les connais. Mais Arte, déjà entendus. C'est des mots qui te parlent. Ouais, par exemple, péremptoire. Ah bah oui, bien sûr. Bah, ok. Alors, péremptoire... Alors, on l'a entendu. Oui. Maintenant, sauras-tu donner la définition de péremptoire ? C'est quelque chose de péremptoire ? Ouais. Quelque chose de péremptoire, c'est quelque chose qui... Ah, j'en ai aucune idée. Voilà. Péremptoire, c'est quand tu le dis de manière franche et décisif et sans contestation possible. Voilà, c'est ça. Qui place sa décision au-dessus de tout. Il écrit des livres, lui. Hein. Bravo, eh James. Oui. Ouais, romancier. Ouais. Mais qu'est-ce que vous je me suis dit que je trouverais quelqu'un autour de la table. Bon, pas Jocelyn, mais quelqu'un autour de la table qui trouverait ça. Encore un mot, je pense que t'as James dû croiser... Que t'as dû croiser, Jocelyn, mais irréfragable. Ah, irréfractable. Non, fragable. C'est pas rétractable. En fait, c'est irréfragable. Là, il peut trouver parce que frag, c'est comme ça qu'on désigne quand on tue quelqu'un dans un jeu vidéo, c'est un frag. Ouais, c'est vrai. Donc, irréfragable, c'est quelqu'un qui ne peut pas être tué dans un jeu vidéo. Waouh, mais tu connais la définition en fait. Mais c'est en fait un mot que j'ai utilisé dans mon livre. Non. D'ailleurs, c'est le titre de mon livre. Irréfragable. Ça s'appelle Irréfragable 94.2. Ouais, c'est ça. Ok. C'est plus qu'un livre. Effectivement, qu'on ne peut contredire, qui est indéniable. Exemple, son innocence est une preuve irréfragable et non pas irréfractable de sa bonne foi. Bravo, James. Ça, c'est pas l'inverse. C'est pas sa bonne foi qui est une preuve irréfragable de son innocence. Son innocence est une preuve irréfragable. Fragable de sa bonne foi. D'accord. Bah oui, ça peut pas être contredit. Bah oui. Donc c'est cohérent. On va rester là-dessus. Elle a écrit la phrase, hein, si tu. Allez, attention. On pourrait croire que c'est un prénom de chien, mais non. Prolix. Ça veut dire. Je suis désolé, je l'ai aussi, mais ça veut dire. Ça veut dire bavard, non ? C'est celui qui parle beaucoup. Ça me dit quelque chose. C'est trop long, chargé de détails inutiles. Et c'est aussi le nom du... De ton livre. De la préface de mon livre. Non, mais dans le Devin, Astérix, le Devin, l'album du Devin, ouais. Le nom du Devin, c'est Prolix. Oh. Et il est, c'est un charlatan, il fait que de parler, etc. Ouais. Et son nom, c'est Prolix. Voilà. Et ça c'est marche beau. D'ailleurs dans le livre, puisque tout le monde, notamment la femme de... Abraracourcix. Merci, tombe vraiment dans le panneau et croit tout ce que lui dit Prolix. Et il y a aussi un dessin animé que je regardais beaucoup quand j'étais gosse, où il est là, et j'adore son personnage. Prolix et Folux. Prolix, okay. Ouais. Donc, un exemple de Prolix. J'ai abandonné la lecture de ce livre Prolix après quelques chapitres. Donc, on pourrait traduire par « j'ai arrêté j'ai abandonné la lecture de ce livre qui avait trop de détails inutiles ». Voilà. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Allez, on va voir si tu fais un grand chelem. Et là, pour l'instant, c'est... Mais en plus, hier soir, il me disait « ce serait drôle que tu trouves tous les mots ». Pétard, zéro mot. Ineffable. Ineffable, qui ne peut pas être un mensonge. Qui ne peut pas être dit, en fait, qu'on ne peut pas mettre des mots dessus. C'est ça, ouais, il est fort, hein, ce James. Il est imbattable, le mec écrit des bouquins, donc ouais. En ce moment, il connaît les mots. Ce qui ne peut être exprimé par des mots tant c'est intense ou sublime, exemple, devant un tel paysage, elle ressentit une joie ineffable. Ah ouais, c'est... J'en ai encore quelques-uns. Alors là, là, Jocelyn... Ah. Jocelyn. Tu comptes plus sur moi ? Si. Ah, ok, bon. Là, Jocelyn, je suis désolé, c'est que pour James. Ineffable. Résilience. Résilience, mais tout le monde connaît résilience. Bah voilà. Résilience, faire acte de résilience et abandonner, non ? C'est le contraire. C'est abandonner l'idée d'abandonner. C'est ça que je voulais dire, pardon. C'est ça, c'est Johnny Hallyday. Voilà, faire preuve de résilience, c'est se remettre au boulot. Ouais, alors, c'est ça. Voilà. Alors, tu peux me donner un exemple de résilience ? Oui, bien sûr. Ou caser résilience dans une phrase. J'en avais marre de mon abonnement chez Basic Fit. J'ai donc utilisé la résilience. Ça marche pas, ça. Non. Ça, on dirait j'ai résilié. C'était échec total de van. Oui, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est, je l'ai. Là, d'accord, ok. Résilience. Il fait preuve de résilience. Il retourne au combat malgré sa jambe touchée. Par exemple, oui. Tu valides, James ? Je valide complètement, voilà. Complètement. C'est une capacité à surmonter les chocs traumatiques, à se reconstruire après une épreuve. Voilà. C'est ça, la résilience. Faites preuve de résilience, les gars. Ouais. Allez, il m'en reste quelques-uns. Ah, celui-là, je pense pas que tu l'aies, James. Non, je l'ai pas. On va voir. Ok. Oblativité. Ah, alors ça, c'est costaud, là. Oblativité. Arrête d'oblativiser tout, là. Ouais. T'oblativises de trop. Ouais. Oblativiser, c'est en rajouter. C'est peut-être aussi se permettre mais de donner... Mais t'es pas trop loin, hein. Est-ce que c'est pas prendre du recul sur quelque chose ? La prise de recul sur quelque chose ? Non, c'est la disposition à faire passer le bien d'autrui avant le sien propre. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu vois, il a été animé d'une grande oblativité et se dévoue sans compter. D'accord. Ah, ok. Voilà. Ça, je vais les mettre dans mon roman, hein, ceux-là. Moi, oblativité. Alors, oblativité, je t'enverrai le lien, hein, puisque là, je suis tombé sur une chronique sur TikTok. Ah, d'accord. Qui balance plein de mots où on se dit, je l'ai déjà croisé, ce mot-là, mais sans savoir ce que ça veut dire. Tu vois, par exemple, obséquieux. Contrat. Obséquieux. Obséquieux, ouais. Pour le coup, il est dans mon livre, ouais. Celui-là. Oui. Ah ouais. Pour de vrai. Et ça veut dire qu'il... C'est faux, du coup. Si. Ça veut... obséquieux, ça veut dire qu'il respecte des protocoles à la lettre un peu, qui le fait de manière un peu trop... Ça va même plus loin que ça. Ouais, bah allez, hop. Tu notes ça. C'est qu'il flatte excessivement pour obtenir un avantage. Voilà, il était obséquieux avec la nouvelle directrice. Ok, alors je confonds. Tu vois, c'est un peu livre, comme c'est moi pas le mien. Avec la directrice de Fadjet. Faut voilà. Voir aussi que moi je fais une traduction parce que je l'ai créé en slovaque à la base, mon livre. Donc, ah oui, d'accord. Voilà, c'est aussi pas facile, quoi. Tu ferais ce même jeu en slovaque et là, je peux te dire. Ah bah là, oui. Allez, une dernière. Allez, pour rire. Arcane sourcilière, bien sûr. Arcane, déjà, c'est le nom de la série Arcane. Ouais. Pas mal. Bah, c'est Arcane, c'est le nom de la série Arcane. Gengis Arcane. Vous avez jamais vu Arcane ? C'est une série du jeu vidéo League of Legends. Justement, on a moi aussi. J'ai cette référence au jeu vidéo d'Arcane. Les arcanes, c'est les dessous. On peut dire les arcanes du pouvoir. Donc, qu'est-ce qui se passe en dessous peu mystique. De l'adjectif. Hein. Pas un adjectif. Quelqu'un d'arcanien. Mais il y a le mysticisme, c'est très bien. On peut dire, toi, t'es arcane, par exemple ? Ça se dit ? Quelqu'un d'arcane ? Plutôt, pas non, toi personnellement, quelque mais chose. Quelque chose d'arcane. Ouais. C'est une chose secrète, mystérieuse, connue seulement des initiés. Voilà. Le grimoire recelé des secrets arcanes. Des secrets arcanes, oui, il y en a un S à secret. Que nul homme ne devait. Je savais pas que c'était découvrir. Un adjectif. Moi, j'aurais dit arcanique, tu vois. Moi, arcanien, j'aurais dit, moi. Arcanique, c'est sûr que ça existe en jeu vidéo. Non, tu vois, non, c'est toi qui as raison. C'est, okay. c'est un nom. C'est des secrets arcanes. C'est secret qui est. Ok. Qui est l'adjectif. Merci. Arcane, c'est oui, les arcanes. Je m'en garde pour la prochaine fois, bien évidemment. Bravo quand même, bravo, James. Pour cette compétence. Merci d'ailleurs, je pense que tu vas garder la main. Est-ce que c'est la bonne souris là ? Parce que j'arrive pas. Ouais, avec ta chronique sur les livres, justement. Alors, on est très littéraire hein, ce matin. Ouais. Mais t'as mis le petit châle pour faire. Littéraire. Je vais l'enlever. Mais oui, bah, t'es de moins en moins littéraire, mec. Non, mais on le voit pas à la radio, hein, donc tu peux le garder si tu veux. Ça va ? C'est pas trop littéraire pour toi ? Alors, Jocelyn ? Pour moi, c'est assez. Utilise un mot que personne ne connaît. C'est assez. Ok, c'est assez péremptoire. Ouais, ok. Voilà, allez. La matinale de 18h. L'invité show business de 18h. C'est James, bien évidemment, avec sa chronique sur la littérature, on peut dire ça comme alors, ça comme je le disais, j'écris un bouquin. Ouais. Et au cas où les éditeurs n'avaient pas compris c'est encore. Vrai, c'est vrai. Qui s'appellera comment non, est-ce j'ai pas encore le titre. J'ai pas de titre encore. J'ai pas de titre. Et donc, comme je suis aussi un homme de business, bah, je me suis dit, tiens, c'est quoi les bouquins, les livres les plus vendus de l'histoire ? Ça, je sais. Et donc, je vous ai concocté un top 20 et je vais vous demander de me trouver un peu... Bon, il y en a que vous... Je ne pense pas vous faire insulte, il y en a que je pense que vous ne connaîtrez pas. Oh là. Vous pouvez quand même me trouver un bon nombre de cette liste. C'est parti. La Bible. La Bible, ouais. La Bible, c'est le numéro 1. Harry voilà. Potter. Alors, Harry on parle du monde. On parle de vente dans le monde. Alors, je précise que j'ai pris ça sur un site. Je ne sais pas s'ils ont fait un compte précis ou quoi que ce soit. J'imagine que c'est un petit peu au pouce levé. Non, Les 10 premiers doivent être vrais et après, peut-être que ça doit changer. Non, mais je pense que déjà, le classement ne doit pas être vraiment... Voilà. Après, la Bible, je pense que c'est number one. Je pense que les trois premiers sont incontestables. Je crois qu'il a été dépassé, la Bible. C'est le numéro 2, il me semble. Ah, par Je sais pas, Harry Potter. La Bible 2. Non, Harry Potter, ouais, en tout cas, remake. Harry Potter est 5 dans ma liste. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok. Y a d'autres religions ou pas ? Oui. Donc le Coran ? Le Coran est 2. Bon, okay. Moi, j'ai un Bible, 2 Corans. Voilà. Ok. Ok. Tout, hein, 3 tout. L'hindouisme ? Non. Non, mais bah, disons que c'est. Non, mais t'es dans. Le Code civil ? Le Code civil mondial. Le Code Rousseau. Non. Non. Le 3, il est étonnant. Je ne connaissais pas l'existence de ce livre. Mais en fait, quand on le dit, ça fait du sens. Ça prend du sens. Le dictionnaire. Non. C'est pas. Est-ce que ça a à voir avec Michelin ? Non, pas du tout avec non. Michelin. D'accord. C'est trop français, Michelin. Mais avec une personne qui était un petit peu, qui avait de l'embonpoint quand même, un petit peu. Ah là, c'est quelqu'un qui est très connu. Ouais, c'est quelqu'un qui est ultra connu. Mais pour Bouddha. Ses livres ou pas ? Pas pour ses livres. Pas pour ses livres. C'est Bouddha ? Okay. C'est pas Bouddha. Donald mais on Trump. Est dans la région. Ah, d'accord. Enfin, on est proche. Oh, mais c'est pas celui qui a fait. Mais si. Je pense que non, mais le lac des cygnes. Comment il expliquait la guerre. Guerre épée. Tu veux dire Sun Tzu? Oui. Sun Tzu ou Lao Tzu? Je sais plus. Lao Tzu, l'art de la guerre. L'art de la guerre. Non, voilà. c'est pas ça. Non, d'accord, ok. Mais là, on est vraiment dans mon pays maintenant. Il est pas vivant. L'art de la guerre? Donc c'est en Chine. Non, Mao Zedong. Voilà, ce sont les citations du président Mao Zedong. Le petit livre rouge. Alors je sais pas, ça s'appelle les citations du président Mao Zedong. Tout le monde va voir ça. J'ai pas été voir ce que c'était. Rouge. Donc là on a notre. Non, il nous en manque un dans le top 5, mais après vous pouvez aussi en trouver ailleurs que le top 5. Les autres ce sont alors des. Là, ouais. Jules Verne. Dans le top 5. Yes, Jules Verne. Wow. Il est là et il est en exactement. 20 milieux sous les mers. 20 milieux sous les mers. Il est 18e. Okay, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, je ne crois pas. C'est non pour Robinson Crusoe. Homer alors là, Homer. Homer non. Ah ouais. Alors il faut voir quand même que comme c'est des ventes, tu vois, c'est possible que ces livres-là ont été plus lus, mais comme là on parle de ventes, on est quand même plus orienté vers le 19-20e. Ouais, bah okay. Oui, clairement. Et là dans le tome 5 donc il nous en manque un. Ouais. Et ça c'est un roman. C'est un roman. Donc c'est vraiment c'est quelqu'un roman. Qui est connu pour être Je vais vous donner un gros indice parce que c'est très dur Hemingway. De le trouver comme ça. C'est un espagnol qui l'a écrit. Oh là là, et c'est censé nous aider ça. Ouais. J'aime pas que les espagnols écrivent. Ah, Don Quichotte. C'est Don Quichotte qui est quatrième. Bien sûr, d'accord. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, quand même. D'accord, ok. Et on est pas mal quand même. Hein. Ouais, ouais. Attends. Attends, on va repartir de la 20e position. La 20e position, vous ne trouverez jamais, je vais vous le donner tout de suite, ça s'appelle Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Ah oui, bah si, bien sûr que si. Le titre original, peut-être ça va aussi vous parler un peu plus, le titre original. Man som hatar kvinnor. Ah, c'est Stieg Larsson qui fait ça, non ? Ouais, c'est ça, exactement. C'est la trilogie Millennium qui est parue en 2005. Voilà. Je peux vous faire le pitch, mais on s'en fout. On s'en moque un peu. Le 19e, là, vous pouvez l'avoir, c'est un... Un français ? C'est un français, non. C'est un anglais qui l'a écrit, un britannique. Comment il s'appelle ? Qui... Ah... Et c'est du policier. Hein. C'est du policier. Pas Sherlock policier. Holmes. C'est Sherlock Holmes. Ah, mais waouh. Doyle. Mais c'était pas le nom là que j'avais. Garde-le, on va peut-être y revenir. Oui. En 18e, donc c'est Jules Verne que nous a trouvé l'ami. Alors qui c'est qui a écrit Sherlock Holmes d'ailleurs ? C'est de Sir Arthur Conan Doyle. Putain, tu le dis tellement bien. Conan Doyle. Ouais. Arthur Conan Doyle, quoi. Arthur Conan Doyle, ouais, c'est ça. En 18e, donc 20 milieux sous les mers. En 17e, c'est. L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Je n'ai pas pris le temps de regarder le pitch de celui-ci, donc je ne pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Okay. En 16e, je pense pas non plus. Donne-le. Pablo Coelho, ça vous parle ? L'alchimiste. Non. D'accord. Voilà, ça raconte le voyage initiatique de Santiago, un jeune berger andalou qui part en quête d'un trésor enfoui près des pyramides d'Égypte après avoir fait un rêve récurrent. Au cours de son périple à travers le désert, il apprend que le véritable trésor n'est pas une richesse matérielle, mais à la réalisation de sa légende personnelle et la découverte que ce qu'il cherchait se trouvait finalement là où tout avait commencé. Ça donne envie de le lire quand même. Hein. Ça, L'alchimiste de Pablo Coelho, on le salue évidemment. Coelho, ça veut dire carotte, je crois, en langue. Alors, tu me excuses, mais venant de toi, je suis obligé de vérifier. Tu peux vérifier parce qu'on a un cocktail qui s'appelle Coelho Colada. Coelho ou Coelho? On dit les deux, je crois. Ouais, Coco Lapin. Coco Lapin. Coelho. Coelho. Ça vient pas de Coco Lapin. Coelho. Hein, voilà, c'est ça. Alors, en 15e position, on a un livre qui s'appelle Elle. Elle. E2LE. Ouais. Un roman de H. Rider Haggard. Okay. Qui est paru en 1886-1887. C'est une expédition avec lui, avec son personnage et son tuteur en Afrique, qui recherche une mystérieuse reine immortelle nommée Ayesha, qui règne depuis 2000 ans sur une tribu primitive. Ok. Passionnant. Ouais, ça donne envie. On parle quand même des livres qui marchent. Fait le plus de ventes. Donc là, on est sur des scénarios qui marchent à 100%. Quoi. Ouais. C'est, à 100%. Voilà, la recherche de quelque chose dans un pays chaud, apparemment, ça marche. Quoi. Puis avec un petit côté mystique quand même, tu vois. Un côté reine, un côté mystique, etc. Pyramide. 14e, là, vous, peut-être que le nom va vous évoquer quelque chose. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Oh, c'est Narnia. Pas du tout. De Clive Staples Lewis. C'est en fait plus connu sous le nom du monde de Narnia. Et oui, d'accord. De Narnia, voilà. D'accord. Alors, maintenant, on arrive au 13e, et là, on va commencer à voir des trucs que vous ne pouvez pas ne pas les connaître. D'accord. Là, le 13e, je peux vous donner un indice, il y a eu un film dessus dans les années 2000. C'est un succès, un livre qui est paru justement dans les années 2000, qui a immédiatement été... Odyssée de l'espèce. Non. Et il a lieu dans un... Enfin, l'action a lieu dans un endroit dont on parle beaucoup en ce moment, dans l'actualité française. Paris, le Louvre, le Da Vinci Code. Waouh, ça c'est beau, ça. On a vu tout le processus en plus. Ok, d'accord. C'est le Da Vinci Code de Dan Brown. Dan Brown, qui est 13e de cette liste des livres les plus vendus de tous les temps. Je pense que c'est grâce au film qu'il y avait Tom Hanks dedans, je crois, que les ventes ont dû... un peu comme Harry Potter. Je crois qu'il était déjà phénomène de société. Ah, mais oui, non, si t'as raison. Ouais, c'est et il y a eu aussi une chanson de MC Solar, Da Vinci Code. Da Vinci Code, ouais, bien sûr, Da Vinci Code. En 12e, il y a un livre qui va vous... Vous le trouverez pas peut-être directement, mais ça va vous aider à en trouver un qui est encore plus haut, puisque c'est la... Comment on dit, la préquelle, enfin, ce qui s'est passé avant... Le livre qui a pour le coup beaucoup cartonné, qui est dans l'univers que j'ai décrit de mon roman tout à l'heure. C'est un peu, ça tourne autour de Game ça. Game of Thrones. Voilà, mais c'est pas ça. Alors, mais ça tourne autour. On est dans le même type d'univers, voilà. Eragon. D'accord. Et il y a eu des films. Oui, des films américains. Et quoi, extrêmement connus. Carton absolu. D'accord. Hunger Games. Non, mais d'ailleurs, c'est là à la fois, à la fois blockbusters. Oui, c'est des énormes blockbusters. À la fois, le livre là qu'on cherche et celui qui est lié ont tous les deux eu des trilogies. Mais oui, c'est pas. Le Hobbit. Oui, c'est ça, voilà, c'est Bilbo le Hobbit, le 12e, et donc qui est. Le Seigneur des Anneaux, lui, est 7e. Voilà. Ah ouais, ok. Et tout ça, c'est signé Tolkien. Ouais. Tolkien qui nous a écrit tout ça. En 11e. On a un roman policier en 11e qui a changé de nom récemment pour des raisons que vous comprendrez une fois que j'aurai dit à la fois le nouveau et l'ancien nom. D'accord, voilà, c'est un roman policier écrit par une femme. Oh, waouh. Film, pareil, il y a eu un film. Il y en a eu probablement, puisque c'est un carton du XXe siècle qui a beaucoup, beaucoup... Une femme américaine. Elle a fait beaucoup de... Voilà, de... Ah oui, il est dit petit nègre. C'est ça, exactement. Qui a alors dû ça, changer. Tu as dit l'ancien nom. Oui, c'est donc Agatha Christie. Agatha Christie, ça s'appelle Ils étaient 10 désormais. Maintenant, oui, voilà. Ça s'appelle comme alors, ça. Alors, effectivement, quand je l'ai lu au collège ou au lycée, c'était les 10 petits nègres. Voilà. Et dans ce roman, 10 personnes, apparemment sans lien entre elles, sont invitées à se rendre sur une île. Déserte. Bien qu'elles soient seules à se trouver sur ce lieu, elles sont assassinées l'une après l'autre, à chaque fois d'une façon qui rappelle les couplets d'une comptine intitulée 10 petits nègres, d'où le nom de l'œuvre d'Agatha Christie. Je ne l'ai jamais lu personnellement. Ça a l'air bien à regarder. c'est, je pense que c'est, de toute façon c'est 11e, donc ça a plu aux gens, donc voilà. 10e, on a un conte. Le conte de Montmirail. Conte, enfin c'est pas vraiment un conte, mais en tout cas c'est une histoire qui a été pareil adaptée des, de toute façon tous ces trucs ont été adaptés à des nombres de fois limités. On est sur quelque chose qui a fait un Disney, qui a fait des films aussi. La Belle au Bois Dormant. Non, un. C'est du Grimm. C'est pas du Grimm, non. C'est un univers très. La Belle et la Bête. Comment dire, l'univers est vraiment très. Il y a un mot, je le trouve pas. C'est un dalmatien. Loufoque. C'est dommage, parce que si toi tu trouves pas le mot, nous on va t'aider. Loufoque. Ouais, c'est un univers très fantasmagorique. Le bossu Notre-Dame. Non, non, non, non. Le mais... gars avec son chapeau entonnoir là. Alors peut-être. Merlin l'Enchanteur. Non, non, non. Il y a un mec avec. Il est vieux. Oz, magicien d'Oz. Non, mais c'est à peu près dans le même genre, un peu. C'est un vieux voilà. Disney. C'est un vu. Enfin, oui, il a été vu. Oui, oui. Mulan. Non. Bernard et Bianca. Oh, je l'ai pas. Non. Rocky. Je peux vous aider. Il y a une, oui. le protagoniste principal, c'est une femme. Bah, la Belle au Bois Dormant, Blanche-Neige. Oui, c'est vrai. Bon, d'accord, je peux pas. elle passe d'un monde à l'autre. D'un monde à l'autre. Ah, Alice au Pays des Merveilles. Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll. Merci de nous aider parce que. Ouais, qui est dixième dans cette liste. Alors, le neuvième, je ne le connaissais pas et je me suis un peu renseigné dessus, je vais vous en parler. Ah, bah oui, dis-nous tout de suite. Neuvième livre le plus vendu de tous les temps s'appelle Le rêve dans le pavillon rouge. Alors là, c'est signé Cao Xuekin. Okay. Ça date de. Lui est né en 1715 et mort en 1763, l'auteur chinois. Et c'est considéré comme un des chefs-d'œuvre de la littérature chinoise. C'est peut-être même le plus prestigieux des livres de la littérature chinoise. Okay. Après, c'est sûr que si c'est comme le petit livre rouge de Mao que tout le monde devait avoir en Chine et donc t'en vends un milliard déjà. Alors là, ouais. c'est un truc encore plus dingue, j'ai envie de dire, puisque c'est déjà c'est 2000 à 2500 pages. Hein. Ok. Voilà. Oh oui. Là là. C'est en partie autobiographique et c'est tellement. En fait, c'est tellement une institution en Chine oui. qu'il y a même des branches des études littéraires chinoises qui sont uniquement dédiées Très. À l'étude de ce livre. D'accord. Et ça s'appelle la rougeologie. Donc, c'est vraiment une branche qui existe en Chine, l'étude du rêve dans le pavillon rouge okay. De Cao Xuekin. Voilà. Pareil, c'est un livre dont je n'avais absolument jamais entendu parler. Il nous reste deux choses à trouver. Le huitième, vous pouvez très facilement le trouver, c'est le livre français d'un auteur français le plus vendu de tous les temps. C'est probablement incontestable de le dire. Victor Hugo ? Non. Zola ? Non. C'est un livre qu'on a tous lu, pour le coup, je pense, Leur. Parce qu'il est accessible Leur. À tous les âges. Choupi. Oh là là, ça va m'énerver, cette histoire. Non. Alors, il est mort. Il est mort, oui. D'accord. C'est du Prévert. Je vais vous donner un truc intéressant, c'est que ce livre va tomber dans le domaine public, enfin, va être libre de droit en 2032. Donc, ça veut dire qu'il est mort il y a 70 ans, à peu près. Non, parce que il y a eu une prolongation de ce truc-là. Ah, ça me parle, ça. Parce que l'auteur est un héros de guerre, et donc, du coup, on a prolongé, ça fait partie de la loi, j'imagine. Saint-Exupéry. Et voilà. Et donc, Le Petit Prince. Wow. Le Petit Prince, publié d'abord Bien à New sûr. York en 1943 et seulement deux semaines après en France. D'accord. Qui est donc le huitième livre le plus vendu de tous les temps. Le septième, c'est Seigneur des Anneaux. Il nous en reste un à trouver. Je pense pas vous faire insulte. Non, vous ne le trouverez pas. C'est Charles Dickens. Ah, c'est un auteur du 19e. Et ça s'appelle Un conte de deux villes. C'est D'accord. sur Londres et Paris pendant la Révolution. Donc, le classement du top 10, on va dire. 1. Bible. 2. Coran. 3. Les citations du président Mao Tse-Tung. 4. Don Quichotte de Cervantes. 5. Harry Potter. 6. Un conte de Deville de Charles Dickens. 7. Tolkien, le Seigneur des Anneaux. 8. Le Petit Prince. 9. Le rêve dans le pavillon rouge. Et 10. Alice au Pays des Merveilles. Bravo wow. à vous d'avoir trouvé la plupart de ces, oui. ouais, bravo. De ces bravo à nous. Mystères. Bravo à nous. Bravo à nous. Et la Torah dans tout ça. Eh, écoute, on ne sait pas. Pas de nouvelles. Dans ouais. quel classement ? Pas de news. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjets. On recycle. Les chats business de 18h. Non. On recycle les jingles. On va se terminer l'émission tranquillement. On a encore le temps, hein, mais oui, il est l'heure là. Avec un petit quiz actu, parce que, bien évidemment, l'actualité n'attend pas. Ah non. Voilà. Bon, première actualité, pourquoi parle-t-on de Nicolas cette semaine ? Il est en zonzon. Voilà, on parle bien du même. Ça, c'était pour une mise en bouche, pour que ça soit facile. Oui. Hein, voilà. Pour que j'ai une bonne réponse. Voilà, c'est ça. C'est voilà, bon, chose, ça, celle-là. Réponse. Maintenant, pourquoi y a-t-il des bulldozers à la Maison-Blanche ? Ah, Maison-Blanche. Il y a un rapport avec Nicolas Sarkozy ? Pas du tout. Non, non, c'était... Ah d'accord, c'était, ah, non, c'était, c'était vraiment juste un échauffement. Voulais, quoi. Oui, ah, oui, pour que... Jocelyn et pour faire sourire, voilà. Les, est-ce que, les est-ce que c'est parce qu'il y a des réfections qui ont lieu ? Non, c'est, alors c'est par rapport à un souhait de Donald Trump. Son côté très, voilà, très volubile, très, tout comme un peu comme dans l'idée, vous savez, qu'il a fait un défilé militaire parce qu'il a vu comment ça se passait au 14 juillet en France. Et il s'est dit, waouh, faut que je ramène ça aux États-Unis. Et ben là, c'est le même délire. Donc c'est quelque chose qu'il a emprunté à un autre pays, quoi, du coup. On peut dire ça, ouais. On peut dire ça. Une tour Eiffel. On peut dire ça. Non, non, mais c'est vraiment. Alors, au début, ça devait être, ça ne devait pas toucher le bâtiment de la Maison Blanche, mais en fait, si, ça impacte puisqu'ils sont en train de casser un petit peu des murs et et ça va coûter la bagatelle de 250 millions de dollars. Ok. Alors, sur la base de fonds privés, c'est pas le contribuable américain qui payera. Mais quand même, c'est pour correspondre à un délire de Donald Trump. Je sais pas trop quand est-ce que ça va être livré, d'ailleurs. Mais voilà, les travaux ont commencé lundi dernier. Ok, j'ai maison. Pas du tout entendu parler de cette histoire. Faut partir du délire, ouais. Est-ce que c'est un événement qui va avoir lieu là ou c'est ça. Il y aura un événement assez récurrent. Ah d'accord. C'est pas un combat de MMA. Non, ah, ouais, non, pourrait... non, ouais. Il y aura ça, il y aura non, ça. Non, ouais, pour, on est. Alors c'est vrai. C'est vrai qu'il était parti dans des délires comme ça. C'est sur l'or comment... Il est parti sur l'or. L'or. Bah tu sais, la Golden Tower, je sais pas quoi. Ah non, mais par contre, je pense qu'il y aura des petites feuilles d'or un petit peu par-ci, par-là, dans piscine, cette ambiance-là. Parce qu'il y a des bulldozers, il faut creuser quand même. Non, non, non, ça pourra accueillir ça pense, jusqu'à 300 personnes, je crois. Concert, du concert près. Est-ce que c'est une salle de trône? Concert, on n'est vraiment pas loin, parce qu'il y a de la musique. Mais ah, c'est un truc de. On y va pas pour. On regarde les gens se battre là, tu sais. Comme. Quel rapport avec la musique ah, non, non, mais t'étais bien parti avec la musique, hein. Ah non, parce qu'il y a des gens qui chantaient. Non, je pensais plus à des gladiateurs, tous les genres de choses. Ah ouais. Ah c'est non. Bien ça. Bah, non, alors. Ce serait très Trump, tu vois. Ça fait penser à une époque de lointaine, mais pas aussi lointaine que les gladiateurs. Et il y a de okay. La musique. C'est un opéra ? Alors on se rapproche encore plus, mais. Un ballet ? Un théâtre ? Ah, on est vraiment pas loin. Qu'est-ce comédie qu'on... musicale ? Ouais, mais alors c'est pas tant la musique en elle-même, mais qu'est-ce qu'on fait de la musique ? On la joue. Mais si on la joue pas, on fait quoi ? On l'écoute. Ouais, et comment on l'écoute ? Avec nos oreilles. Un auditorium, allongé. On n'est pas allongé, justement. On est debout. Ah bah c'est oui. Une boîte de nuit ? Alors presque, mais en mode... Ah, c'est un bal, une oui, salle de bal. Une salle de bal, effectivement. Donc j'imagine ambiance Sissi impératrice, tu vois. Donc il va claquer, enfin il va claquer. Encore une fois, c'est pas lui qui claque, 250 millions, parce qu'il s'est dit dans son délire, je vais faire une salle de bal où je pourrais inviter 400 convives, 3 ou 400, je ne sais plus, convives. Et alors, qui sont les sociétés qui payent ? Bah, c'est voilà. Des Amazon, c'est Google, c'est Apple qui payent les 250 millions. Donc voilà, les travaux ont commencé. Je ne sais pas si l'article parle de la livraison, mais c'est parti. Je me demande si c'est pas plus inquiétant que ça soit des sociétés qui payent pour ça plutôt que ça soit le contribuable américain, en fait. C'est dans le sens où s'ils payent pour ça, c'est qu'ils attendent un retour sur investissement d'une qualité. Bah, c'est que la musique qui est diffusée, soit elle est un retour sur Spotify, soit qui passe sous les radars. Oui, voilà. Voilà. Je me fais pas attraper. Mais dans les deux cas, ou alors c'est des dons et du coup ils sont exonérés d'impôts, ce genre de choses, peut-être. Ah oui, des dons. Oui. Non, je pense que c'est vraiment. Y a sur 250 intérêt. Millions, tu dois pouvoir exonérer un peu d'impôts. Il trouvait un truc encore mieux, d'ailleurs, Donald Trump, pour avoir des dons. Il c'est menace. Que... Bah, c'est ça. C'est-à-dire que. Non, non, mais il attaque un journal. Voilà. Il dit voilà, vous avez diffamé contre moi. Je sais pas combien de centaines de millions d'euros, de dollars, pardon. Voilà. Et on sait que le journal peut se défendre, peut gagner, mais comme il veut donner de l'argent à Donald Trump, il accepte un agreement et ils vont payer à Donald Trump. Donc je sais plus quel journal ou quelle attends, chaîne. Comment de ça, ils veulent donner de l'argent à Donald Trump ? Eh ben, tu m'as diffamé, tu m'as traité de gros lapin, par exemple. Ouais, et je t'attaque en justice. Donc tu as tout pour gagner parce que t'es un gros lapin. tout le monde peut traiter tout le monde de gros lapin, mais comme tu as l'intention de me donner de l'argent pour que je sois gentil avec toi, bah tu vas accepter d'être condamné. Mais on s'était concerté avant, tu penses ? C'est ça, bien sûr. Oui, on s'était concerté. Oui, oui, ah oui, oui. Et comme ça, en toute légalité, on peut donner des dizaines de millions d'euros, de dollars. Et concertation en amont. À et Donald après, Trump. Donc c'est ce qui est arrivé, je ne sais plus si c'est NBC ou Disney Channel ou peut-être Fox. Qui a, ou la Paramount, peut-être Paramount, qui a accepté de payer alors qu'ils avaient toutes les chances de gagner. Mais. Voilà. Conclusion, si vous avez envie de donner de l'argent à quelqu'un, n'hésitez pas à l'insulter voilà. D'abord. C'est la démarche. C'est quand même beaucoup plus pratique. Diffamez-le. Voilà, voilà. Tout à fait. Allez, on va en Islande avec... alors, le titre, c'est un article de RTL. La dernière forteresse est tombée. Ça en Irlande en Islande. En Islande, voilà. C'était le dernier endroit au monde, avec l'Antarctique d'ailleurs, où il n'y avait pas eu ça. Et dans là, Internet. Il y a quelqu'un qui vient de voir... Un selfie que... Non, non. Alors, on est dans le monde animal. Je vous aide, hein, parce que sinon, voilà. C'est le dernier endroit au monde, l'Islande, où il n'y avait pas... Je sais, je l'ai vu, Alors, c'est moustiques. Oui. Ils ont vu, ouais, ils ont attrapé des moustiques, ouais, j'ai vu ça, quelle Effectivement. Horreur. Alors, l'Islande, pour le savoir, je ne le savais pas, ils ont beau avoir des papillons, des choses comme ça, mais il n'y a pas de moustiques. Et... Bah, réchauffement climatique aidant, il y a quelqu'un qui avait mis un attrape papillon justement, et ben il a attrapé des moustiques, 3 moustiques, et donc il a fait suivre ça aux instances. Voilà. Mais donc tellement il trouve ça dingue. Non, mais pour vous analyser, pour savoir. Le mec avec son attrape papillon qui voit un moustique dedans. Oh non, mon Dieu, chérie, prends le téléphone. Il faut que j'appelle tout de suite. Il demande ce que c'est d'abord, chérie. Est-ce que t'as déjà vu ce vol actuel là? En gros, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. Hein. Mais n'empêche, moi j'ai envie de dire bravo à cette petite équipe de moustiques qui ont traversé l'Atlantique, qui ont bravé. Je pense dans un avion. Hein. Arrête de tout, diminuer comme ça. Imaginez avec leur baluchon en train de voler comme ça au-dessus de l'eau. Une famille entière. Tu vois, ils étaient partis à 10. Faisant preuve de résilience. Ouais. qui sont là. Allez, on y va, les gars. Je suis sûr qu'il y a une terre là-bas. Et il y a des gens qui n'ont jamais été piqués de la chair fraîche et tout. Et ils sont arrivés un jour. Du sang pur. C'est le Magellan du moustique. Exactement. En fait, hein. Il savait pas du tout où il allait. Ouais. Change de speech pour ton bouquin. C'est un peu dommage parce qu'il a déjà écrit 7 chapitres. Ouais, change au bout du 8e. En fait, on parle de moustique. Allez, on part en Irlande avec une Irlandaise qui s'est fait annuler son billet d'avion. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce qu'il était tout simplement pas bon. Et non, il était bon. C'était trompé. Il était bon, elle s'est pointée et je pensais que vous le connaissiez. Est-ce que c'est à cause de quelque chose qu'elle avait sur elle ? Non, elle a fait la kéké un peu, hein. Elle a fait la fière. Elle avait le truc était périmé, genre une carte d'identité, passeport, etc. Alors non, était en règle. Elle s'est vantée d'un truc sur les réseaux sociaux ? Oui. Du fait que par exemple elle ne l'ait pas payé ? Non. Ah, c'est un faux ? Si, c'est un vrai, mais effectivement c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a fait une publication. Et suite à ça, il y a eu une annulation de son voyage. Est-ce qu'elle a fait de la diffamation auprès de la compagnie aérienne ? Elle a été super contente. Elle partait en Australie, je crois. Donc, elle était super contente. Et elle a été trop loin, en fait, dans sa parution. Je suis tellement contente. Je suis beaucoup trop contente. Ouais. Mais encore. Ah, d'accord. Donc, du coup, en fait, elle a fait croire qu'elle a dragué un steward. Je suis content de vous avoir là-dessus. Ah non, même Marie pas. Alors, c'était avant. Hein, avant d'y aller. C'est avant d'y aller. Puis c'est avant d'y aller. Salut sinon, à tous. Sinon, ça n'aura pas été annulé. Je vais en Australie et je ramène l'Australie. Voilà. Ah, imaginez-la. Alors, on va faire la scène. Elle est super contente d'être sur les réseaux. D'aller en Australie. Elle a son billet d'avion. Voilà. Et elle fait une parution sur, je veux dire, TikTok ou Instagram. Oui. Et il y a un truc dans sa parution qui va faire que. Ah ! Elle s'est fait piéger. Elle s'est fait piéger. Elle se trompe de compagnie ? Mais en même temps, on s'en fout. Est-ce que du coup, à cause de sa parution, quelqu'un a pu reprendre ses infos et voyager à sa place ? Quelqu'un a pu annuler. Ah d'accord, elle a mis la confirmation. Elle a mis la confirmation, son code de confirmation sur sa publication. Elle a mis tous les détails de son... D'accord, quelqu'un l'a annulé. Et quelqu'un l'a annulé. Et lui, il rigole, lui. Quelqu'un l'a annulé et donc elle s'est pointée. Mais non, madame, votre vol, vous l'avez annulé. Donc elle a pas tout perdu puisqu'elle a récupéré une partie des fonds. Parce que, sauf que moi ça me fait marrer parce que c'est une forme de malice qui fait pas beaucoup de mal. Mais qui montre que t'es quand même, un filou. Ouais, voilà, je sais pas, il y a un truc, truc diabolique mais gentil dans le truc, je sais pas, dialogue diabolique marrant. Quoi. Tu dois quand même gentiment grincer des dents quand ça t'arrive. Hein. Tu dis, sur le moment, tu bien sûr, mais t'as fait une erreur quand même. Ah bah oui, elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur, ouais, clairement. Voilà, quelque part, il lui a appris une leçon sans que ça lui coûte grand chose. Mais est-ce que ça te viendrait, toi, les coups de ses vacances là-dessus et... Ça lui coûte. Ça non, de ne elle pas elle est, y a pas mort d'homme. Y a, y a, attends, c'est pour aller en Australie. Hein, c'est non, mais pas attends, le petit billet. Des semaines peut-être, de poser, peut-être que dans la suite, elle allait exposer des trucs encore pires de sa de sa life et que du coup maintenant, elle a, tu vois. Bon, je suis pas en train de d'excuser le geste. Si, c'est ce que t'es en train de faire. C'est exactement ce que je fais. Écoutez, c'est moi qui l'ai fait, d'accord? Je lui ai donné son bon à celle-là. Pourquoi, elle n'avait pas les moyens. Elle n'avait pas les moyens t'étais de faire jaloux, ça. C'est pour son jaloux. Bien que je l'ai fait. Non. Ah là, ça m'énerve. Une Irlandaise en Australie, mais elle va se faire piquer par les moustiques. Je peux te dire que les moustiques là-bas, c'est pas ceux d'Islande. Hein. Ils t'emballent. Ah, oui, oh, voilà. Ouais. Et ben, on va terminer avec une dernière info. C'est la Provence qui balance cette info-là. C'est marrant parce que ça se passe. Parce que c'est une région de France. Ben non, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'histoire. Il y a une entreprise qui s'appelle Böker, une entreprise allemande qui est basée près de Dortmund et qui a publié sur Instagram, Facebook, LinkedIn, une photo de son mont de charge. Ouais. Ah! C'est celui qui a été utilisé pour voler le Louvre. Ouais, bien joué. Attends, effectivement. J'ai une question à vous poser parallèle à ça. Ouais, vas-y. Vous savez-vous comment est-ce qu'ils se le sont procuré ce mont de charge? Ah non, je sais pas. Sur le Bon Coin, non? Non, ils l'ont pas acheté. Hein. Ils l'ont loué. Ouais. Non. Ils l'ont construit. Chourave? Non. Ils l'ont chourave alors? Ouais, mais alors là où c'est vraiment drôle, et savez-vous où est-ce qu'ils l'ont volé? À Kiloutou. Au Louvre. Non. Ils l'ont volé dans une commune du Val d'Oise. Qui s'appelle Louvre. Non. Juste à côté. C'est quand même dingue. Quoi. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais. Ah, c'est fort. Et alors, pourquoi... Je crois qu'il l'avait loué à Louvre, moi. Donc pourquoi mais... cette. Ah bah, en tout cas. Bah, oui, je sais pas. Moi, j'ai entendu voler. Donc, peut-être okay. Voler, peut-être voler, oui. Pourquoi cette société balance ça sur Facebook et ben, c'est pour vanter les mérites ça fait pas de, bruit. De ce monde charge qui monte très rapidement. Et donc, il a mis en avant le fait que, vous voyez, c'est du bon matériel, hein, parce qu'on monte, on descend très rapidement. Voilà, je trouve, donc c'est l'entreprise très drôle. Böker, B-O-C-K-E-R, qui a balancé un petit peu partout et qui a profité, voilà, de cette déconvenue. Et j'espère qu'on va récupérer les bijoux de la Castafiore. Je crois que c'est mort, moi. Hein. Ouais, tu crois que c'est mort? Ouais. Sur énormément de gars sur internet vendent des faux bijoux. Je sais que sur Vinted, t'as une trentaine, quarantaine, soixantaine d'annonces de mecs qui vendent les faux bijoux. Et je peux vous dire que moi, je me suis procuré via une annonce Vinted les vrais. Ils arrivent mardi. Il a garanti que c'était les vrais. 60 euros. Le mec s'est fait couillonner. Je comprends pas du tout qu'il ait accepté. En tout cas, t'as été carré laser. Alors là, moi, j'étais tout de suite dessus. Ouais. Et effectivement, ils arrivent dans la semaine. J'ai trop hâte de les. Porter. Affaire à suivre début novembre pour la prochaine émission, le deuxième jeudi. Bah, je les porterai. De novembre. Je les porterai. On fera une photo pour Spotify. On mettra sur la page Facebook où on a encore allègrement 17 abonnés. C'est vrai? Ouais, je crois que c'est ça, ouais 17 abonnés. La matinale des 18h, l'émission décalée des Fadjet. Voilà, on arrive gentiment à la fin de émission, tout doucement à la fin de cette émission. Il nous reste encore 6 minutes hein, d'émission, aucun souci. Je ne sais pas si vous avez des actualités de spectacle. Ah, j'en ai plein, moi. Vas-y. Moi, le 31 octobre, au Bar du Cristal, vous pouvez retrouver une soirée jazz hantée, halloweenée, même j'ai envie de vous ddire. Vous serez déguisé, enfin vous serez convié à être déguisé pour écouter ce jazz. Ah, convié à être déguisé? Bah ouais, venez déguiser, c'est plus sympa. Ah oui, non mais ils viennent pas. Vous serez convié à c'est être pas déguisé. Vous qui les ah non. Parce que si non, vous serez quand invité, vous serez déguisé, ça fait genre, bon bah j'arrive, vous mettez quoi Une perruque ou... Non, soirée jazz, Halloween, donc ça va être trop cool. On a une carte éphémère qui est trop sympa sur le thème d'Halloween. Et le lendemain... Comment... Je l'ai écouté. Elle est vraiment très bien. Et le lendemain, c'est Dia de los Muertos, qui est la fête de la mort mexicaine. Et donc, du coup, pareil, on redéguise tequila. Le bar. Tequila, mezcal, ce genre de produits d'agave. Encore une fois, il ne faut pas boire d'alcool. Ou alors avec modération et en étant majeur. Et au cristal également, beaucoup de contraintes. Mais voilà, donc le 31, soirée Halloween, ambiance horreur, et le lendemain, soirée Dia de los Muertos, soit ambiance mexicaine avec des empanadas. Est-ce que vous serez déguisé, vous, en tant que serveur? Ok, parce que moi, j'ai pas envie de me pointer le 31 octobre tout seul, de voir tous les autres qui sont en costume normal, enfin en costume ou en robe. Et moi, j'arrive là avec mon costume de Mickey, quoi. Ça me fait penser à une copine au bac, au persan, qui était venue habillée la veille du persan. Ah. Et elle était toute seule. Elle s'est trompée dans les jours. En plus, c'était vraiment un habit, voilà, pas faire semblant, quoi. Et elle avait honte, elle était waouh. Donc elle a passé toute la journée dans cet habit-là, parce que c'est, voilà. Oui, donc James, l'actualité. Oui, alors je suis membre avec Tristan d'une compagnie d'improvisation théâtrale qui s'appelle Cécile et ses drôles de dames, que vous retrouverez le 7 novembre à La Neuville de Nantes-Nancy à 20h. Pour un spectacle qui s'appelle Coupé. Coupé, c'est O-P-E-Z. Expliquer le principe, il est très simple, c'est qu'on est 5 ou 6 dans la troupe et que chacun a un tour de rôle, on va jouer le réalisateur, le tout-puissant, c'est-à-dire qu'on aura carte blanche sur ce qui se passe sur scène, on pourra couper, on pourra faire autre chose, dire à telle personne, tiens, toi, tu es un chien, un druide prolixe. Toi, tu dois uniquement chanter. La scène suivante sera... Voilà, on a tous les pouvoirs sur ce qui se passe sur scène, donc ça peut partir absolument dans tous les sens. Et donc, ça sera à la Neuville, à la MJC de la Neuville. Vous pouvez réserver sur le site de la MJC. Ouais. Il y a de plus en plus de monde. Il y a déjà, ça marche déjà bien, en plus. Ah oui, je te jure, il y a plus d'une dizaine de personnes qui ont déjà réservé leur place. D'accord. Même un mois à l'avance. Enfin, on n'est plus à un mois à l'avance, mais voilà. Donc, il va y avoir une très belle ambiance. C'est 6€ en pré-vente, voilà. 8€ sur place. C'est donné. Vous pouvez réserver donc sur le site de la MJC ou sur la page de Cécile et ses drôles de dames de Facebook, ou alors sur Hello Asso, vous tapez Cécile et ses drôles de dames, et puis vous devez pouvoir trouver. Enfin, en tout cas, on vous attend nombreux, et ça sera vraiment... un festoche. Ouais, ça sera un festival de galéjade, d'humour, mais aussi d'émotion. Voilà. Wow. On l'espère. Ouais. On ne l'en doute pas. On dédie cette émission à Caroline, qui sera avec nous à ce spectacle du 7 novembre et qui a des petits problèmes de santé passagers, rien de grave, et qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui. On lui fait un gros coucou. Et puis, bah, nous, on se retrouve, ça sera le deuxième jeudi du mois de novembre, puisque le premier jeudi du mois de novembre, ça sera l'équipe de La Voisinade avec Guéron et toute sa clique, Mélie, François et puis Camille. Bien évidemment. Oui. Il y a pas de François, mais d'accord. Il y a plus François. Ah, Charles. Charles. C'est Charles. Il y a plus Charles. Il y a plus Charles. Il y a plus Charles. Bon, Charles n'est plus un voisin. Voilà. Charles n'est plus un voisin. En tout cas, il n'était pas l'an dernier. J'ai pas réécouté cette année, mais voilà. Ah, ok. Je crois qu'il y vient des fois en guest. D'accord. Mais voilà. En tout cas, n'oubliez pas. On le salue en tout cas. La matinale de 18h. Pour toi. On vous fait des bisous et à bientôt. Oui, ciao.